sais, comme le ciel est lourd de haine et que la terre gronde, le monde a besoin des enfants. Le monde a besoin des enfants. Parfois, j'ai malgré les années l'impression que c'est toi qui peux me rassurer. Moi qui n'ai pas quitté le ciel depuis longtemps, je pourrais te guider, suis mes pas, je t'attends. Afin que l'homme ne tue jamais la colombe. Le monde a besoin des enfants. Le monde a besoin des enfants. Je donnerai souvent une part de ma vie pour revivre le temps où j'étais tout petit. Quelquefois je me dis, j'aimerais vieillir un peu, mais je n'ai plus envie quand je lis dans vos yeux. Bien plus que les enfants ont besoin du monde. Bien plus que les enfants ont besoin du monde. A besoin des enfants. Le monde a besoin des enfants.